Jamais on ne revit le grand méchant loup. De son côté, le chasseur s'en alla. Mère Grand mangea la galette et le petit pot de beurre et se sentit aussitôt beaucoup mieux. Quant au petit chaperon rouge, elle jura que jamais plus elle ne désobéirait à sa maman. Bientôt, dans ton prochain numéro du Monde Merveilleux des Contes et Chansons, tu retrouveras l'histoire d'Aladin et la lampe merveilleuse.